malgré l'âge et l'ancienneté, je ne changerai pas, je resterai moi-même. Le rap n'a pas d'effet sur qui je suis, pour ça que les gens m'aiment. Si un jour on se croise, tu constateras que je suis le même. Mais le man n'est pas un masque, c'est un blaze, une partie de moi-même. Je ne rappe pas pour le fric, ni pour la street, mais pour le trip de faire de la zik qui donne envie de faire un feat, d'avoir le disque, de l'écouter piste après piste et de le kiffer prise après prise. Je monte en gras, ton rap se dégrade dans les deux cas. Jamais tu feras partie de cette catégorie de ceux qui rappent que par plaisir. Pour ma part c'est un hobby, donc désolé de te dire que malgré l'âge et l'ancienneté, je ne changerai pas, je resterai moi-même. Le rap n'a pas d'effet sur qui je suis, pour ça que les gens m'aiment. Si un jour on se croise, tu constateras que je suis le même. Mais le mal n'est pas un masque, c'est un blaze, une partie de moi-même. Malgré l'âge et l'ancienneté, je ne changerai pas, je resterai moi-même. Le rap n'a pas d'effet sur qui je suis, pour ça que les gens m'aiment. Si un jour on se croise, tu constateras que je suis le même. Mais le mal n'est pas un masque, c'est un blaze, une partie de moi-même. Écoute, ce sont les rimes, se sont développées par centaines. Écoute, ce sont les rimes, se sont développées par centaines. C'est fou ce qu'on peut faire avec des mots et je sens que t'aimes. Certains pros devraient en prendre la graine, faudrait qu'ils s'entraînent. Dans ce monde complètement pollué, mon rap n'a fait qu'évoluer. Mais j'ai gardé le même aspect, toujours ma caisse à t'aspect. Je tire un son pour marquer, et si t'aimes pas je m'en tape. Je fais ma zik sans jamais penser si tu vas aimer. Ne parle pas de ma vie, ok, je ne viens pas de la cité, ok. Les yeux écarquillés, y'en a beaucoup qui sont choqués, ok. Bah ouais, je rappe que pour le fun, mais je fais ça sérieusement mon pote. À mes heures perdues, c'est des albums que je te concocte. Je comprends qu'on me foque, car toi tu kifferais bien percer la coque du rap, donc tu rêverais qu'on troque mon rap contre ton rap en toc. Ma gueule tu fais tiep à mort, tu crois que parce que ma gueule est mort, tu pourras le remplacer, mais reste sur terre, accepte ton triste sort. Malgré l'âge et l'ancienneté, je ne changerai pas, je resterai moi-même. Le rap n'a pas d'effet sur qui je suis, pour ça que les gens m'aiment. Si un jour on se croise, tu constateras que je suis le même. Mais le mal n'est pas un masque, c'est un blaze, une partie de moi-même. Malgré l'âge et l'ancienneté, je ne changerai pas, je resterai moi-même. Le rap n'a pas d'effet sur qui je suis, pour ça que les gens m'aiment. Si un jour on se croise, tu constateras que je suis le même. Mais le mal n'est pas un masque, c'est un blaze, une partie de moi-même. Moi-même, moi-même, moi-même.